إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب أولا اشتقي وصل كلمات طيب مسرعا rapidement لاحظ يلاحظ constaté انجز ينجز اكمل اسراع اسراع rapide rapide يعني ومصدر اسرع يسرع بفعل فاعل استراح يستريح استراح بوزي احتاج يحتاج avoir besoin رتب يرتب ranger classer نعم احسنت. طيب الاسئله اولا يقول عن اي شيء سال علي عمر اجيب وترجم لماذا يسرع هذا اول سؤال يقول يسال عن سرعته عن إسراعه. لماذا أسرع علي؟ لأنه يريد أن ينجز أعماله. ينجز. ينجز أعماله. أعماله. أو أجل بس أعماله. parce qu'il a envie de finir son travail. متى سينجز عمر أعماله الخاصة؟ في مساء يوم الخميس. في مساء يوم الخميس. في مساء إي. مجرور بفي. نقطك سبب مركي. بس كده ظل زمان نقطك. منصوب. بلا تجي في دفع. لا وشي؟ بس الخطأ. يليف. في مساء إي. بحرف جر. Ah, mais je pensais que c'était peut-être une exception. Là, là. J'ai vu ça dans le test. Okay. Alors ensuite. Et combien même, on dit qu'il aurait été un nom de sarf, il est moudaf. Le moudaf prend le kasra quand même, malgré tout. Là, ce n'est rendu libre. Mada talaba minhu aliyun. ما سبب إسراعي؟ c'est la même chose. à cause de sa précipitation. et même la question d'après ressemble à. j'ai pas sûr. c'est la même que celle d'avant. ماذا رد ماذا كان كان رد عمر؟ يعني يسريع بسبب ال يعني يسريع يسريع لأنه يريد أن يجزي أن ينجز ينجز ينجز أعماله الخاصة متى سيستريح عمر يوم الجمعة هل لدى علي أعمال مثل عمر نعم ما أهم أعماله C'est quoi le plus important dans son travail quoi. Je sais pas. أن يشتري الأشياء في نفس اليوم ليستريح يوم الجمعة. أظن هذا. قال أفضل دائما أشتري كل ما أحتاج إليه. ماذا طلب عمر من علي؟ طلب منه ما رأيه. رأيه لا طلب منه رأيه ومعرفة رأيه رأيه النقديان النقديان ان يوم يوم غدين يوم غدين معن عيد النقديان النقديان لا نقديان اللي دينا انت ايوه لكن الخطا ليس هذا الخطا في النحو قلت ان يقديان ايوه سيمون جو سي ايوه ان يقديان ان يقديان ما في نون يقد نون اللي منصوب على ما تنص به حرف النون ان يقديان يوم غدين معن اين يقدياني يوم الغد je crois qu'ils ont fait une erreur là ils ont voulu dire un matin je crois parce qu'il n'y a pas de j'ai vérifié il n'y a pas de makan dans le truc ils disent تعال الى صباح يوم الجمعه مبكرا سنذهب في في في في رحله هذا تقول يقدياني يومهم او يومهما في رحله ممتعه هكذا passer la journée dans une bonne sortie. Moi, je vais faire des journées avec la Deïk, à la Deïka. Là, avant, il n'y avait pas le Sahabia. Non, c'est le deuxième, celui-là. Deuxième ? Ouais, Fanny. Octobre. Non, c'est Jumel, Mastermel, Ibarra, à la Deïka. Mais à la Deïka, si, c'est Yaratoun. À la Deïka, j'enchaîne. Attends, il y a un truc là. Hey, non, je crois qu'hier j'ai dit une erreur. Je m'en rappelle plus. En fait, tu dis quand il n'est pas Moudaf, enfin Domir, c'est la Dak, la Dahou. Ça reste un alif. Tu dis la da Mohammedin Maloun. Mohammed est de l'argent. Et quand tu l'accroches à un domir, le alif devient aya. C'est-à-dire elle a deika kaza. Elle a deihi kaza. Hier, je ne sais pas si c'est ce que je t'ai dit ou pas. Hier, je t'ai dit qu'il. Allah. Tu dis la deihi, moi, je crois. Ah ouais, je te dis la da ou. Bon, je crois que je t'ai fait une. Corrigée sur en fait une chose, tu avais raison. Je ne me rappelle plus trop. Le mouhim, c'est ça la qa'ida. Lorsqu'il est moudaf à ism zahir, ça reste un alif. Lorsqu'il est moudaf à un damir, il devient aya. D'accord. Non. Taïb. Aladeika. C'est yaratun. Non. Fajmi. Aladeika malun. Aladeika akhun. Aladeika kutubun. Kutubun. Aladeika. Bon, je sais pas si ça se dit ça. Par contre, là, est-ce que tu as des vacances ? La Deïka, là, c'est juste une chose que tu possèdes. Ok. À la Deïka, Khamisoun. À la Deïka, Drousoun. Ensuite, le Tassien. C'était, il fallait faire des. Il y avait deux mots, je crois. Jumel ma. Tassien. Faire une phrase avec les deux mots ensemble. Rattaba, le Souratine. رتب أحمد رتب أحمد أي شيء شيء قصب جميل بسرعة رتب أحمد فلبسه بسرعة طيب Alors, j'ai vu ces affaires. Thanien. Anjaza Ahmed. Anjaza Mohammedun. Je peux pas mettre un alif, aliflam. Là, mais tu peux mettre un damir. Ah, je peux mettre un damir. Anjaza. أنجز محمد أعماله أعماله أصفت استرح محمد حين عطلة عطلته. دي بيتو استراحة بدون في العطلة. في العطلة. Se reposer pendant les vacances. Pendant les vacances. Hawala Moussaada. Hawala. Hawala Talibou. أن يفهم الدرس لكن كان يحتاج إلى مساعدة. طيب. كي نتقدر نكمل الدرس نبي بزون ديال الدات. Ensuite, استراح التاجر في رمضان لأنه كان ينتهي العمل. استراحة. Ensuite, هو بيجي استراحة بعد العمل. بس استراحة التاجر بعد العمل. نعم ثم حاول الطالب أن يسمع لكنه ما راجعه. Il a voulu faire cette transmission de Coran mais il n'a pas révisé. طيب maintenant c'est mettre les kalimas dans des jumla. Ensuite alors أنجز محمد العمل وهو الآن في العطلة. رتب ملابسه ويحاول أن يذهب اليوم إلى الحان لكن يحتاج إلى حقيبة. لاحظ أنه لا يستريح إلا في المسجد. Il a constaté que en fait il ne se reposait pas quand il était au masjid. Ensuite, il reste quoi ? Il reste 4 minutes. Il sera مثل يحتاج آخر. جميع وآخر. يحتاج ل je l'ai mis. يحتاج les حقيبة dans la première jumla. Mais il manque 3 mots, je ne sais pas. لابد أن يذهب بسرعة. يحتاج إلى إسراع. يحتاج الإسراع في آخر العمل. في آخر العمل. نعم إلى آخر العمل مثلا حتى ملي تخوا يغس مثل لأن ما في نوت فاز في نوت فاز ما في مثل هذا المكان لطلب العلم. طيب ندخل الآن في درس 12 deuxième partie du درس كي هي العطلة الأسبوعية toujours. طيب كلمات جديدة خاشية يخشى هذا كندر. أصاب يصيب. Ce serait le fait d'atteindre et là dans le texte ce serait le fait qu'il ne soit arrivé une chose. C'est التضيح إن شاء الله في النص. Ça c'est clair. À la base أصاب يصيب c'est aussi avoir raison. أصبت يا هذا. Tu as dit vrai, tu as eu raison. وأصاب فلان بلاء. فلان était atteint par une épreuve. مكروه ان شد تستاب مصيبا كلاميته. الاقارب سي لو جام دو قريب سي لي بوش. الاتصال dans le sens là c'est un appel. À la base c'est un lien contact là ils veulent parler un appel. تعود يتعود s'habituer. Ajjala yu'ajjilu, là c'est reporté. Baqiyah, c'est le reste de quelque chose. Le reste de quelque chose. Sharti'u, c'est arrive. Manzarun, c'est quoi manzarun? Un paysage. Une vue. Ah ouais. Il y a un paysage aussi. Tanazzaha, il y a tanazzahu, et c'est promener. Et Douyouf, c'est quoi Douyouf? Invité. Jam Daif. Ah, invité. Man qara'tu ams? Nam? Ana? Ah. Ana qara'tu Omar Ali. Là, t'as lu l'introduction, plus Omar ou Ali, c'est lequel des deux t'as lu? Attends, je vais me rappeler. Omar, je crois, t'as lu. Pourquoi j'ai le manteau? Pourquoi c'est pas grave, tout ça? T'as lu Omar hier. Ah bon, c'est. Inta Omar Kazali, quel lieu? Voilà le code d'Ima. Trois tonnes. Alors, تأخر علي عن الموعد وانتظره عمر ولم يغادر المنزل حتى حضر علي فدار بينهما الحوار التالي que Ali est arrivé en retard au rendez-vous, Mouaïd c'est le rendez-vous, et que Omar l'attendait et n'a pas quitté la maison jusqu'à ce que Ali arrive. Ensuite, il y a eu la discussion entre deux. لماذا تأخرت يا علي؟ لقد ظننت أنك لن تحضر اليوم. Il dit pourquoi as-tu tardé, Ali? J'ai certes cru que tu n'allais pas venir aujourd'hui. وخشيت أن يكون قد أصابك أحصابك مكروه. أحصابك مكروه. Et j'ai craint que tu ne fus atteint par, que soit arrivé une chose, quelque chose de mauvais. Dans le sens. قال علي لقد حاولت الاتصال بك بالهاتف لأعتذر ولكنني لم أستطع لأنني شغلت بأقاربي الذين جاءوا من مكان بعيد بزياراتي فأقبل عذري. Il dit, j'ai certes tenté de t'appeler par téléphone pour m'excuser. Cependant, je n'ai pas pu. Car j'étais occupé par des proches qui sont venus de loin pour me visiter. Donc, accepte mon excuse. كما تعودت انا ايضا المحافظه على المواعيد. Donc il dit, c'est une excuse qui est claire et je sais que tu n'es pas du genre à fausser les rendez-vous, on dira comme ça, c'est un autre mot, car je me suis habitué tout comme tu t'es habitué également à faire attention au rendez-vous. Il est arrivé à l'heure au rendez-vous. Wal-en, ma sanaf alou, fi barkiyat el-yom. Qu'allons-nous faire dans le reste de la journée? Snatanawalu ta'am al-ghada. Thumma nakhruju ba'da salat al-asr. Il dit, nous allons prendre le repas. Ensuite, nous allons sortir après la salat du asr. إلى أين سنذهب إن شاء الله؟ Où allons-nous nous rendre إن شاء الله؟ سنذهب إلى الحديقة العامة. لنتنزه قليلا. وقبل غروب الشمس. سنتوجه إلى شاطئ النهر. نستمتع بمنظر منظر النهر الناس تمتع اصلا واش تاع موسم سيس كفر صوتا الناس تمتع الناس تمتع بمنظر منظر النهر وبالنسيب وبالنسيم الطيب عند الغروب ثم نرجع بعد صلاة المغرب. Aujourd'hui nous allons au parc. Le parc principal, on dira comme ça. Le parc public, jardin public, non. Afin de nous promener un petit peu. Et avant le coucher du soleil, nous allons nous diriger vers les rives du fleuve. Afin de pouvoir jouir de la vision du fleuve. Et comment on appelle ça déjà ? Nassim, c'est le vent, la... c'est un vent, c'est la commande déjà, j'ai oublié. Les vents qui viennent du... la brise, voilà. De profiter justement de la vue du fleuve et de la brise, de la bonne brise, lors du coucher, c'est-à-dire du soleil. Ensuite, nous reviendrons après la salade du Maghrib. علي يقول هذا حسن فقد نجد بعض الأصدقاء هناك ونتحدث معهم قليلا ولكن لماذا لا نتأخر هناك حتى نصلي العشاء. Il dit ça c'est une bonne chose. Il se peut que nous trouvions là-bas certains de nos amis ou des amis et nous discutions avec eux un petit peu. Cependant pourquoi ne pas tarder là-bas jusqu'à ce que nous fassions le عشاء. لأنني على موعد مع بعض الضيوف بعد صلاة العشاء وأرجو أن تعود معي لنتناول العشاء في بيتي. Il dit car j'ai rendez-vous avec certains invités après le عشاء et j'espère que tu reviennes avec moi afin de prendre le dîner à la maison, là chez moi. قال علي شكرا لا أستطيع أن أذهب معك إلى بيتك يا صديقي لأنني سأزور جدتي بعد صلاة المغرب ثم أعود إلى بيتي لأنني على موعد مع بعض الضيوف بعد صلاة العشاء. Il dit merci, je te remercie. Je ne peux pas venir avec toi, chez toi, ô mon ami, car je dois visiter ma grand-mère après le maghrib. Ensuite, je retourne à la maison, car j'ai rendez-vous avec certains invités après le عشاء. Mais il n'est pas logique parce qu'il demande pourquoi ne pas attendre après Richard, après il dit pas. Donc c'est pas logique sa réaction. Hein, t'as dit quoi ? Ça veut dire quoi ? Natana Wal. Enfin de prendre. Prendre quoi ? Prendre le repas. Et c'est quoi le. Tana Wala et Tana Walou. Tana Wala. Tana Wala Pral. Tana Wala et Tana Walou. Ça peut être cueillir, prendre une chose. Atanawel, le médicament, c'est prendre. Atanawel, le adouya, c'est prendre des médicaments, ma salade. Non. Allez, le asile, l'an. Adib, l'asile, l'atiya, l'innas. Limada ta akhala Ali. Parce que Ali est tardé. Mada zonna Omar. Parce que Omar a pensé. Ou a cru. Malazi, la mestatia, Ali yun fi alam. Qu'est-ce que Ali n'a pas pu faire? على أي شيء تعود عمر. أقول لهم سنوك أبيتوي عمر. متى سيتغد سيغتديان. قد سيغتديان الغداء. الغداء. إلى أين سيذهباني بعد الغداء. Où vont-ils se rendre après le غداء. Dans le texte, c'est une erreur. On dit غداء. C'est غداء. فنتناولو تعمل غداء. C'est غداء. C'est un دل. C'est un دل. لماذا يريداني الذهاب إلى الشاطئ قبل غروب الشمس؟ Pourquoi veut-il se rendre sur la rive avant le coucher du soleil؟ ماذا طلب عمر من علي؟ Qu'est-ce que عمر a voulu de علي؟ لماذا احتضر علي عن دعوة عمر إلى العشاء؟ إلى العشاء. Pourquoi عمر s'est excusé de ne pouvoir prendre l'invitation de عمر pour le dîner؟ طيب. ثم قال أكمل كما في النموذج. قال لقد ظننت أنك لن تحضر اليوم. On entre parenthèses le verbe hadara après elle est mise dans la phrase. J'ai certes cru que tu n'allais pas venir aujourd'hui. Tafal nafs shay ma'a al afal ukhra. Safara. لقد ظننت أنك لا تسافر اليوم. لن تسافر اليوم. طيب. J'ai certes cru que tu n'allais pas voyager aujourd'hui. Nama. لقد ظننت أنك لن تنام تنام لن تنام لن تنام اليوم. نعم. اتصل. لقد ظننت أنك لن تتصل اليوم. J'espère que tu n'es pas appelé aujourd'hui. استراحة. لقد ظننت أنك لن تستريح اليوم. تستريح أيوه. اليوم. Tu n'es pas reposé aujourd'hui. حاول. لقد ظننت أنك لن تحاول اليوم. C'est-à-dire tenter, essayer. عادة. لقد ظننت أنك لن تعود اليوم. C'est-à-dire tu n'es pas revenu aujourd'hui. تنزه. لقد ظننت أنك لن تنزه اليوم. تنزه اليوم. لا. تنزه اليوم. لقد ظننت أنك لن تتنزه. تتنزه. تتنزه. تتنزه. تتنزه. تتنزه. تتنزه. En enlevant un ta, sinon là-bas c'est l'en tatanazaha el yom. Tu n'allais pas te promener aujourd'hui. Raba. لقد ظننت أنك لن تغيب. تغيب اليوم. Amana Raba يغيب. Absent. Ça va te tromper. Afaris, Akmil Bimayunasib. Là dans les phrases, tu les compléter. Khashi Ahmedou en Yakuna Sadiyekuhu. Que Ahmed a craint que son ami. Je vais tout de suite ça. Akmil. Ok, tout de suite. Aïe. Marid Yahsul Shaya Ali. Maridan. Maridan. Khashi Ahmedou, en Yakuna Sadiyekuhu, Maridan. Son ami soit malade. يحبوا صديقي الذهاب إلى النهر. Que mon ami aime se rendre au fleuve. Zid. Bin Nassim. Non. Je sais pas. Ça veut dire quoi Bin Nassim? Je sais plus. Par la brise. Ah ouais, je sais pas, il y a marqué. Il s'est emporté par le vent pour aller. Comme le rouleau. La falaine. Ah ouais. Avant le coucher. Je suis trompé de ligne. زرت صديقي وجدته قد جبت من أمي جتروفي ديجا زرت تروفي ديجا حاضر présent قد franchement je sais pas قد نام مثلا il dormait déjà وقد خرج حاول إبراهيم والاتصال بأخيه que Ibrahim a essayé d'appeler son ami, son frère. Ams. Non, hier. Ta'awad Omaru an yanama, que Omar s'habitue à dormir. Fil masjid. Fil masjid. Et tanazzahu an-nasu fi yom utla fi. Les gens se promènent le jour des vacances sur ou à ou dans. Fil hadiqa. Ah ouais, dans le parc. Public. Ah, au début, je pensais que c'était qu'il y ait une menace avec le texte. À la base, il y a un lien avec le texte en fait que les mots qui te demandent sont pris du texte. Après, c'est à toi de t'informer. Yartazara Ahmedou an Hudur, que Ahmed s'est excusé de participer ou d'être présent ou quoi. Ça dépend ce que tu vas dire. An Hudur, il s'excuse d'être venu. An Hudur, Zid Shay'an, par là. J'ai pas compris. Il s'est excusé Ahmed d'être présent. De se rendre présent à quoi? Ou un truc derrière. Un hudur le majisme, c'est là. Présent dans l'assemblée, dans l'assise. Ou un hudur l'acha. De venir pour. Il s'excuse de ne pas être venu ou d'être venu en fait, je sais pas pourquoi. C'est ça en fait. De ne pas être venu en fait dans le sens ah ouais. De pouvoir venir. Ah. Akala. التدريب الرابع أكمل كما في النموذج عندنا تنزه شاطي donc après il faut que tu rendes le verbe en masdar et tu fasses une phrase يقول تنزه على شاطي يجدد النشاط que la promenade sur les rives redonne de la forme en mettant forme جدد à la base c'est revivifier une chose, la renouveler, mais là il veut dire yani, on donne de la forme. Nashat, c'est la forme. À ce moment-là. Taïb. Shariba, el ma. Al-shirab, al-shirab, je sais pas comment on dit. Al-shirab. Al-shurbu. Al-shurbu. Al-shurbu. Là, là. Attends. Al-shirab, peut-être. Là, non, tu pourras pas faire pareil. Bizarre. Là, il faut que tu fasses un moudouf, moudouf, il est. Shurbu, l'ma'i. Shurbu, l'ma'i. Yajdid, yajdid ou nashat. C'est pas yajdid. يجدي يجدد يجدد يجدد النشاط نعم قراءة القرآن قراءة القرآن يجدد النشاط نعم زيارة المريض زيارة المريض يجدد النشاط نشاط أداء العمرة أداء سي على بعض الموضوع سبيت أداء أداء سي يقف أداء فت دفاع شوز أداء العمرة تجدد النشاط. نعم. Donc en fait leur exemple il est pas correct. Ils ont mis le tenazzuh ala. Et là il y a pas ala dans les phrases à faire. طيب maintenant c'est remplir les trous dans le khamis. عندنا ناسيا خاشيا يتنزهون الضيوف أصابه يتصل يتعود يؤجل منظر يستمتع. Tu vas mettre ces mots-là dans les trous. يقول يكون الأزهار في الحديقة في الصباح جميلا. Que la fleur dans le jardin est belle le matin. يكون C'est-à-dire quoi déjà Toudjil? Hein? Toudjil ça veut dire quoi? Toudjil, Toudjila. Reporter. Okay. Ah, il y a le Mouna Siba. Il y a des mecs, je me rappelle, j'ai oublié leur marna. Il y a Tenaz Zahoun. Non? Il y a Tenaz Zahoun, c'est se promener. Ok. يكون منظر الأزهار. Faites de voir les fleurs dans le jardin le matin. Vu les belles. ثانيا الراكب أن تذهب الحافلة. Le passager que parte le bus. T'as un verbe là. C'est à dire quoi j'ai tout dit et j'ai oublié encore. Tout reporté. Je sais pas. Khashiya arakibu an tadhhaba al hafila. Que le passager a craint que ne s'en aille le bus. Ou que le bus ne s'en aille. Mu'zamu an-nasi في يوم العطلة. La plupart des gens, le jour des vacances. C'est bon. يتنزهون. يتنزهون. C'est pas mal. رابعا. علي زيارة أقاربه في يوم الجمعة. Ali, la visite de ses amis, le jour du Jumu'a. Vendredi. Aya. Pardon? Yastamtir. Là. Yastamtir, tu veux, non? Yastamtir. Nasiya. Nasiya, on a oublié. Yastakbiru al-muslimu istikbalan hasanan. Que le musulman reçoit d'un bon accueil. Voilà, c'est. Attends, ça fait. Quand tu es ici, le hami. C'est fréquent. الضيوف الضيوف زبيدي على هي تفيد ياك اتون سجلني سجلني يجب اللام عمل اليوم للغد il est obligatoire de ne pas travailler d'aujourd'hui à demain je pense pas beaucoup demandé celui-là. Comment ? Sa'alta anhu kathira, miraram. Tawajjil. Là ? Ah, prononce-le bien. Tu'jila, tu'jila. Tu'ajjil. Ala tu'ajjila. Ne pas reporter le travail d'aujourd'hui à demain. Lam tastatir. Ou lam yastatiru. Ou lam yastatir. Ahmadu an. بصديقه بالهاتف que Ahmed n'a pas pu son ami par le téléphone يتصل يتصل نعم appelé زرت صديقي ووجدته قد مريض شديد j'ai vu mon ami et je l'ai trouvé maladie dure maladie أصابه أصابه t'as atteint une dure maladie تاسعا عمر يستمتع تذكرته في البيت Ah, il y a une erreur. C'est quoi cet ami Yastamtia? À la base, c'est Nasia, c'est là Nasia. Ah, mais c'était Yastamtia. Et donc Ali, c'est normalement c'est Yastamtia. Ali, bi, ziyarat. D'accord, et bi, ils ont oublié un hafoujar. Parce que Nasia, Ali, ziyarat, il est quoi avec la phrase? Avec Nasia, il est quoi avec la phrase? Mais Yastamtia, faut bi, pas mi bi. Ça aurait été Yastamti Ali Biziyarat Akaribihi Ilum Jumu'a. Ça les va. Donc à la base, c'est Yastatir pour Ali, c'est Nasiya là pour Omar. Que Omar a oublié son billet à la maison. Taïeb. ثم يقول أكمل الجمل في القائمة ألف لما يناسبها في قائمة باء. جوان لي فراز دو كولوم بي أ ألف أ بي. سوف في البيت. هذا؟ لا ده في الآن. شوف على ميزون دو أخر. يعني. عندنا قابلت أصدقائي أجلت أعمالي ظن موسى سنأكل طعام الغداء منظر الجو بعد نزول الأمطار فاسي ألف باء جميل عند الغروب عندما نخرج نتنزه يصبح النسيم عليلا أن صديقه لن يحضر غدا إلى صباح الغد الذين حضروا لزيارتي رقم بيه قابلت أصدقائي j'ai rencontré mes amis الذين حضروا اكتوبر لزيارتي soit celui-là non c'est ça ceux qui m'ont rendu qui sont venus pour me visiter هذا أجلت أعمالي j'ai reporté mes travaux Il est un sabah, El Radi, El Radi. Non, à demain matin. Vonne Moussa, Moussa a cru. C'est-à-dire qu'il yahdour a ghadan. Non, son ami ne viendra pas demain. Sana'kulu ta'am el ghada, nous allons manger le repas. Indama nakhrujou. Non. Ils ont oublié, ils auraient dû mettre l'aim. Ils demandent à Khouloujou ou l'inatanazaha. Nous allons prendre le repas lorsque nous allons sortir pour nous promener. Il faut mettre l'i. L'inatanazaha. Manzaru al-Jou. Franchement, elle est bizarre. Al-Jou. Je suis bien, c'est ça ? La base Jou, c'est climat. Comment tu regardes le climat ? C'est le temps. La vue du temps. Ailleurs Yusbihu, c'est ça ? Là. Ah oui, oui. Jamilu inda al-ghurub. Non. C'est bizarre, c'est le Joe, tu ne le vois pas. Hein. Voilà, c'est un marana que je ne connais pas. Ba'd nuzul al-amtar, après la descente de la pluie. Yusbihu al-nasim, al-nasim, alilan. Non. Après la descente de la pluie, la brise devient alilan, je ne sais pas, je pense que ça veut dire forte ou fraîche. Allah Alam, je ne connais pas là. C'est ce qui, le sens qui apparaîtrait, mais Allah Alam. Taïb, ou le Sabir, وثمن في البيت. السابع سمعت لي بو ودي فراز. تعود أجل بقية أصاب يستمتع مكروه الشاطي ناسيا. Et le famine, c'est faire une phrase avec les deux mots, ensemble. Rajoute ce que tu veux. Ittasala al-hatif. Ta'akhara al-ziyara. Ta'awada al-rajul. Al-shati'a al-nasim. Dhanna makrouh. Istamta'a al-shams. Tamam? Non. Taïe. Je vais te dire à l'aïe. Alhamdulillah.